Voici, en 30 minutes environ, de larges extraits de la comédie-ballet composée par Molière et jouée pour la première fois le 14 octobre 1670, Le bourgeois gentilhomme. Cette comédie-ballet a été représentée plus de 1000 fois depuis sa création.